aime. Le castor ne connaît pas la haine. La loutre est pacifique. Avec quelques canettes d'avance, in houblon, veritas, et puis voici ce